Biologue, l'aménagement d'un grenier. Écoutez. Tu fais seul les travaux de ton grenier ? Oui, j'ai été écœuré par le prix qu'on me demandait, si bien que je me suis acheté le matériel et je me débrouille tout seul. Il est probable que je ne suis pas au bout de mes peines, mais tant pis. Mais tu as acheté tout le matériel, tu crois que tu vas y gagner ? C'est évident. Et puis l'aspirateur me servira pour d'autres travaux, la perceuse aussi. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je viens de finir de passer les poutres à l'aspirateur. Maintenant, je vais percer des trous tous les 35 cm environ et j'y injecterai un produit insecticide. Répétez. Tu fais seul les travaux de ton grenier ? Oui. J'ai été écœuré par le prix qu'on me demandait, si bien que je me suis acheté le matériel et je me débrouille tout seul. Il est probable que je ne suis pas au bout de mes peines, mais tant pis. Mais tu as acheté tout le matériel, tu crois que tu vas y gagner ? C'est évident. Et puis l'aspirateur me servira pour d'autres travaux, la perceuse aussi. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je viens de finir de passer les poutres à l'aspirateur. Maintenant, je vais percer des trous tous les 35 cm environ et j'y injecterai un produit insecticide.